qu'ils ont plus que nous. L'argent, les sous, je m'en fous. J'ai la santé, la foi, une famille autour de moi. Tout pour réussir, vois ce que je suis aujourd'hui. Je dois à Dieu, grâce à lui je suis là. Beaucoup diront qu'il m'en faut peu, pourtant vivre un temps sur terre c'est déjà la joie. Je vois pas pourquoi je devrais en venir bourgeois, pourri jusqu'à la moelle. Toujours bourré, fourré dans l'alcool, la boisson sale, mal de crâne dans le salon. De quoi en être au pal, on perd du boulot, mais jamais son boulot à long. Gros patron, bras long, celui qu'on ne trompe pas. Le type plein de pognon, bracelet en or au poignet. Tu vois le genre, gros port soigné. Sa femme, le réconfort à souligner. Quand il frappe, vise le visage et fort. Ne s'arrête que quand ça saigne et que les gosses pleurent. Pas de fleurs, le père enseigne la peur. Humain, rien de plus que des humains. C'est un pilote, destin, le leur, le mien. Qui voit qu'aucune sur les liens et les trajectoires se croisent au coin des rues et boulevards. Humain, rien de plus que des humains. C'est un pilote, destin, le leur, le mien. Qui voit qu'aucune sur les liens et les trajectoires se croisent au coin des rues et boulevards. Éloigné de tout seul pour me soigner. Après avoir saigné, pas une poignée de main pour me relever. Qu'est-ce qu'ils ont l'arme pour tuer? Le billet pour se vanter. J'ai bien plus mon cerveau pour me corriger. Mon courage pour lutter, ouvrage de bonté. Compter, donner des choses, rédiger, raconter. C'est changer richesse intérieure dans le monde extérieur. Incité par Iblis, erreur de jeunesse, mais bon. C'est pas la chance qui fait les choses, mais les choses qui font. C'était écrit, si t'y crois, fais en sorte que ça ne s'efface pas. Que ce soit entré dans le tableau, que ce soit ancré dans la tête pour qu'on tâte. Car toutefois que je vois des factures, je m'entête avec le facteur. Où je trouve la solution pour la résolution. Même si fauché, on se dit que c'est fichu, je vis dans la rue. Le déluge mon logis, là où le loyer est léger, les charges alourdies, rien ne se soustrait. Donc rien ne nous distrait, on additionne ensuite, on règle. Donc y'a retrait, routine à part ça, rien de plus. Sauf que taille, quand tu déranges, tu changes de place. Que ça te plaise ou non, y'a pas de plis, tes bagages, dégage, des parages, lavage du cerveau. Pourtant on a tous servi les riches, car ils ont des belles poches. Sale tête, même les mioches le disent, réalise, c'est pas des bêtises. Humain, rien de plus que des humains, c'est un pilote. Destin, le leur, le mien, qui voit qu'aucune sur les liens et les trajectoires se croisent au coin des rues et boulevards. Humain, rien de plus que des humains, c'est un pilote. Destin, le leur, le mien, qui voit qu'aucune sur les liens et les trajectoires se croisent au coin des rues et boulevards. Rien de plus.